France Culture, vous écoutez La Nuit Rêvée de Serge Klarsfeld. Rebonsoir Serge Klarsfeld. Rebonsoir. Nous vous retrouvons pour la deuxième partie de votre Nuit Rêvée, ce programme d'émissions d'archives composé avec vous en écho à vos goûts, à votre parcours et aux personnalités qui l'ont marqué. Depuis le début de la nuit, on a pu entendre Claude Lanzmann au micro de Laura Adler dans un À voix nue en 2005, une émission de Marc Kravetz consacrée à la guerre des six jours, une émission consacrée à Arthur Koestler pour laquelle Alain Finkielkraut avait reçu Michel Laval, son biographe, et Pierre Dex, c'était pour Réplique en 2005, et puis un documentaire de Françoise Esteb consacré à Giacomo Casanova pour l'émission Une vie, une œuvre en 2012. Giacomo Casanova, Serge Klarsfeld, qui fait partie des personnalités que vous m'avez citées lorsqu'on a préparé cette nuit. Dans cette émission qu'on a pu écouter tout à l'heure, était racontée la vie assez rocambolesque du Vénitien, mais aussi surtout son œuvre, cette histoire de ma vie, rédigée à la fin de son existence en 1790. Quelques 4000 pages de récits. Est-ce que c'est d'abord Casanova l'écrivain qui vous est cher, ou est-ce que c'est aussi le personnage Casanova et ses frasques ? Non, ce ne sont pas les frasques. Elles sont tout à fait mineures, les frasques de Casanova. Non, ce qui est passionnant, c'est qu'avec Casanova, on entre dans un récit qui nous permet de voyager à travers l'Europe du XVIIIe siècle et d'être comme si c'était un film qui se déroulait sous les yeux et d'une façon tellement vivant, tellement extraordinaire. Et puis c'est le personnage, parce que voilà, un personnage, il est tout seul dans ce XVIIIe siècle, et il veut marquer sa trace, et il a le goût de la littérature, même s'il a le goût des femmes, ça c'est autre chose, mais il a le goût de la littérature, et il écrit des tas d'œuvres qui ne sont pas lues. La seule qui est lue, c'est le récit de son évasion des plombs de Venise. Alors, il écrit ensuite ses mémoires. Et ses mémoires vont traverser le temps, c'est-à-dire qu'il est un des écrivains les plus célèbres du monde entier, alors qu'il était un aventurier, alors qu'il était, au moment où il a écrit, âgé, dans une certaine détresse financière, dépendant d'un mécène qui le protégeait, exilé en Tchéquie, dans un château où les employés le persécutaient, et il arrive à devenir un des hommes les plus célèbres du monde et en même temps à faire une œuvre littéraire d'une très très grande qualité qui le projette littéralement au firmament de ceux qui ont eu le goût d'écrire, la volonté d'être connu, etc. Eh bien, lui réussit tout seul et réussit à transporter son siècle avec lui. Je trouve que c'est fantastique et en même temps, c'est tellement une vie d'aventure que bon, c'est absolument merveilleux. J'aime aussi, par exemple, Stendhal, et j'ai lu tout Stendhal, parce que là, c'est une aventure de culture extraordinaire aussi, et l'aventure aussi d'un homme tout seul qui n'est pas reconnu et qui arrive à nous transmettre tout son siècle aussi, et son goût, c'est un peu Casanova. Stendhal, c'est le fils de Casanova. Mais justement, alors Stendhal, on va écouter en particulier une émission consacrée à la Chartreuse de Parme et au personnage de Fabrice Del Dongo. L'émission s'intitule « Un de ses cœurs de fabrique trop fine, Fabrice ». Elle a été concoctée par Roger Pilaudin pour France Culture en 1967. Et la Chartreuse de Parme, c'est le roman de Stendhal que vous relisez, je crois, le plus souvent. Ben oui, j'aime bien. Non, c'est le journal que je relis. D'accord. Plus souvent, ce sont les journaux, parce que c'est ça la grande qualité de aussi le génie de Stendhal, c'est qu'il a écrit des romans si puissants et si intéressants que toute l'œuvre, on a envie de l'absorber, et surtout les journaux, parce qu'il nous raconte l'aventure de cet homme qui arrive à écrire ses grands romans. Alors on a envie de le connaître tout entier, quand on dit le style c'est l'homme, à partir du moment où on est pris, on est subjugué, séduit par une œuvre, ben on a envie de connaître l'homme, on a envie de tout connaître de lui, surtout que c'est un homme qui a fait avancer la culture et qui savait. Il avait l'intime conviction que quelques décennies plus tard, il serait célèbre parce que sa culture était en avance sur celle de son époque, son regard était un regard très lucide sur son époque et en même temps, il avait le charme de son style, quoi. Lorsqu'on a préparé cette nuit, vous m'aviez aussi parlé de Benvenuto Cellini. Autre auteur de mémoire. Pour moi, les deux grands plus grands romans d'aventure, c'est Benvenuto Cellini et Casanova, parce que Benvenuto Cellini est le plus grand, comment dire, orfèvre de son époque, du siècle et peut-être de tous les siècles. Le 15e siècle, en l'occurrence. Avec d'autres, quelques autres à Florence. Mais, comment dire, il fait le récit de sa vie, c'est une des premières autobiographies écrites, et c'est la meilleure de toutes, hein. Elle est tellement prenante, c'est un personnage absolument extraordinaire qui avait un génie dans tous les domaines et qui avait des aventures. Il s'est battu, il a tué le connétable de Bourbon, par exemple. D'un coup d'arquebuse du château Saint-Ange, il a tué le connétable de Bourbon qui était responsable de la mort de chevalier Bayard. Enfin bon, quand on lit cela, et puis quand on voit, là aussi, comment un homme peut créer les œuvres qu'il a créé, mais on a l'explication à travers le récit de cette vie. Casanova, La Chartreuse de Parme, Benvenuto Cellini, autant de personnalités, d'œuvres qui renvoient à l'Italie, pays auquel vous vouez un amour ancien, je crois. On en a un petit peu parlé tout à l'heure pour ouvrir cette nuit. Dans vos mémoires, vous racontez que ce goût s'ancre aussi dans votre histoire personnelle et dans la grande histoire, puisqu'il est lié à l'attitude des Italiens pendant la guerre, qui un temps ont protégé les Juifs. Partout, ils ont protégé les Juifs, en Croatie, en Grèce, et dans la zone d'occupation en France. Donc, on veut leur vouer une reconnaissance, une très grande reconnaissance. Et on me rappelle en 1946 avoir vu passer Fausto Coppi. Le cycliste Fausto Coppi. Dans le Grand Prix des Nations, sur la route de la Reine, en allant à la porte de Saint-Cloud, au Parc des Princes, eh bien, Fausto Coppi était quelqu'un qui était, pour moi, quelqu'un qui représentait l'Italie. Et d'ailleurs, c'est un homme qui, avec Vittorio De Sica, dans le domaine du cinéma, lui, dans le domaine du sport, ils ont réhabilité l'Italie, qui était détestée par la France à cause du coup de poignard dans le dos de juin 1940. Ce sont deux hommes qui ont eu une grande influence par leur caractère humain. Et je me souviens, une fois, j'ai attendu Fausto Coppi, rue de la Tour, dans son hôtel, et il m'a amené gratuitement, en me tenant par la main, au Vélodrome d'hiver où il courait. Alors Fausto Coppi, pour moi, c'était quand même un personnage fantastique. Et l'Italie, c'est vrai, nous sommes revenus souvent en Italie, nous y allons quand nous pouvons. Et ma fille, comment dire, subjuguée par notre amour de l'Italie, a épousé un Siennois et comment dire, de leur appartement au-dessus de la grande place de Sienne, ben nous voyons de temps en temps le Palio. Voilà. Autre émission que l'on va pouvoir écouter tout à l'heure et qui fait écho à un autre événement sportif, c'est une émission en hommage à Marcel Cerdan, diffusée sur les antennes de la radiodiffusion française en 1959, c'est-à-dire 10 ans après la mort tragique du célèbre boxeur dans un accident d'avion. Dans cette émission, on entend un extrait de la retransmission du match que Cerdan avait remporté contre toute attente en 1948 contre l'Américain Tony Zale. Retransmission en direct, la nuit donc, j'imagine, à l'époque. Ah oui. Vous étiez devant un poste de radio cette nuit-là. Comme tous les Français, je crois, parce que Marcel Cerdan a rendu à la France son prestige, il a rendu confiance. Redevenir en Amérique où c'était tellement dur et après une série de combats très difficiles, devenir champion du monde de boxe de la catégorie la plus prisée, les moyens, c'était fantastique. Marcel Cerdan est un héros de la France, de l'immédiate après-guerre, et sa mort tragique lui a aussi lui a donné une auréole extraordinaire. En plus, c'était un homme très sympathique et donc il avait toutes les qualités, mais il a eu une volonté pour devenir champion du monde que très peu de sportifs ont eu. Quel souvenir vous gardez de façon plus générale de ces années, de l'immédiate après-guerre? Est-ce que pour vous, à titre personnel, ça a été des années heureuses malgré tout, malgré la tragédie qui vous avait touché pendant la guerre? J'ai eu l'expérience de repartir en Roumanie avec ma mère et ma sœur, parce que notre famille était aisée en Roumanie. Et quand nous sommes arrivés là-bas, quelques mois après, les communistes ont pris le pouvoir et nous sommes enfuis. Nous avons été le premier à nous évader. Ma mère a dit, après la Gestapo, la GPU, non. Donc, j'ai fait l'expérience du communisme, après l'expérience du nazisme, et j'ai donc une haine extrême contre les extrêmes, voilà. Donc, les années d'après-guerre ont été des années d'assoupissement pour moi, parce que, je vivais à la porte de Saint-Cloud, j'allais au lycée, j'ai eu cet épisode de Châteaudun qui est peut-être pas tellement heureux, mais... j'étais un enfant qui n'était pas tellement éveillé et je ne sortais jamais de la porte de Saint-Cloud. Donc c'est comme un animal assoupi. Je me suis réveillé longtemps après la scolarité qui n'était pas pour moi, elle était chaotique. C'est simplement dans les études supérieures que je me suis réveillé, et notamment grâce à la classe d'Hippocagne, première supérieure au lycée Henri IV, qui m'a véritablement révélé à moi-même et m'a sorti de mon sommeil. Vous avez souhaité qu'on entende cette nuit la voix de Julien Gracq, Serge Klarsfeld. On l'écoutera au micro de Jean Dev dans une émission de 1977 dans laquelle il parle de son roman Les eaux étroites qui était paru l'année précédente. Un entretien au cours duquel il évoque notamment sa formation de géographe et le fait qu'il a été enseignant. La voix de Julien Gracq, vous la connaissez bien puisqu'il a été votre professeur au lycée Claude Bernard. Vous m'avez amené une photo de classe dans laquelle on vous voit. C'était au lycée Claude Bernard en 1952. Julien Gracq est au centre et vous êtes juste à sa droite, jeune étudiant, bien coiffé et très bien habillé comme tous vos camarades de classe. C'était alors avant le réveil de l'Hippocagne, donc les années de lycée. Quel souvenir vous gardez de Julien Gracq, le professeur? C'était un professeur assez ennuyeux. La géographie, je n'aimais pas. Alors, passons, la géographie physique, je haïssais la géographie physique et je haïssais Napoléon pour avoir mis la géographie avec l'histoire parce que ça me handicapait pour l'agrégation plus tard. Mais... c'est un professeur qui était très factuel. On voyait que pour lui, c'était pas tellement une vocation, que c'était plutôt l'accomplissement d'un devoir par conscience professionnelle. Il était finalement assez ennuyeux, je dois dire, mais on apprenait avec lui, puisqu'on apprenait finalement des faits, et que dans la classe, on ne discutait pas. Il n'y avait pas de discussion, c'était des cours magistraux, et il n'y avait pas de... On demandait pas aux élèves d'être vivants, d'être éveillés, on leur demandait d'apprendre. Ce qui était important, c'est vrai, ça pouvait servir, comme pour moi ça m'a servi, de connaître... très bien la chronologie, j'avais une vocation d'historien, j'étais ou second, ou troisième, ou premier parfois en histoire, et si vous regardez la photo, les trois personnes qui l'entourent sont toutes dans le dictionnaire aujourd'hui. Alors qui sont-elles? Parce qu'il y a vous à sa droite. Il y a Gilbert Ami à ma droite, qui est un grand compositeur, et puis à la gauche, je crois, il y a... Henri Godard, qui est grand professeur de littérature à la Sorbonne, qui a été le spécialiste. Il était mon camarade de pupitre. Et lui est devenu le grand spécialiste de Céline. Et moi, le grand ennemi de Céline. Nous avons des polémiques, mais nous sommes amis pour la vie, puisque nous avons été ensemble pendant 4 ans sur le même pupitre. Nous avons connu plusieurs professeurs d'histoire, mais c'était lui qui était le meilleur. Tout à l'heure, on a parlé du grand procès de Cologne en 1979, dans lequel vous aviez réussi à faire condamner trois responsables nazis importants dans l'organisation de la solution finale. On n'a pas évoqué le procès Barbie, celui de 1987, où vous étiez aussi en première ligne, et d'abord pour retrouver Klaus Barbie, qui avait fait l'objet d'une traque pendant des longues années. Quel souvenir vous gardez de ce procès-là, le procès Barbie en 1987, Le procès Barbie n'a pas posé beaucoup de problèmes. Le problème, c'était de garder la cohésion des avocats, qui étaient très nombreux, parce que c'était un procès médiatique, et qu'il y avait beaucoup de victimes, donc beaucoup d'avocats. Il fallait garder, face à la défense, une certaine cohésion, puisqu'il y avait des avocats communistes, des avocats catholiques, des avocats de la résistance, des avocats des victimes juives. Donc, il fallait garder la cohésion. J'ai joué ce rôle, surtout. Et j'ai plaidé pour les enfants. Je crois que ça a été bien reçu, très bien reçu. Mais le problème, le procès n'a pas posé beaucoup de problèmes, puisque Barbie était tellement coupable, et les documents étaient là, et les documents, c'est moi qui les avais retrouvés, le Telex d'Izieux en particulier. Donc, j'ai pas eu... j'ai gardé un souvenir, un très bon souvenir de Lyon, un bon souvenir du procès. Je reviens souvent à Lyon parce que le souvenir de ce procès est resté très vivant dans la ville de Lyon, qui est devenue la capitale de la mémoire de la Résistance, avec le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation qui a été créé, avec le musée Jean Moulin, avec la maison d'Izieux qui n'est pas loin, la maison des enfants d'Izieux, c'est un bon souvenir. Mais le Telex d'Izieux auquel vous faites allusion, c'était le document qui prouvait de façon absolument irréfutable la responsabilité de Barbie dans la déportation des enfants d'Izieux. Ce Telex, vous avez eu du mal à remettre la main dessus. Oui, ce Telex avait été présenté à Nuremberg comme un exemple du fanatisme de la Gestapo, des Allemands qui allaient chercher des enfants dans un refuge dans la montagne. Et ce Telex avait disparu ensuite, on en avait des... Mais j'avais trouvé les photocopies authentifiées, je les avais trouvées à Washington, aux archives nationales, je les avais retrouvées à Nuremberg, aux archives du Land de Bavière, et je les avais retrouvées à La Haye, à la Cour internationale de justice. Donc j'étais pas inquiet de trouver la preuve, puisqu'on avait les copies authentifiées, qu'elles étaient toutes semblables. Mais... il fallait, pour l'opinion publique, avoir l'original, et l'original, j'ai eu le feu vert du président de la République, Monsieur Mitterrand, pour le retrouver. J'ai cherché dans toutes les archives, et finalement, je l'ai retrouvé dans la cave du mémorial du martyr juif inconnu. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois, un président français, en l'occurrence Jacques Chirac, a admis la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C'était ce matin à l'occasion des cérémonies commémorant la rafle du Vel'd'Hiv le 16 juillet 1942. Nathalie Saint-Cricq. Reconnaître les fautes du passé, ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. C'est en ces termes que pour la première fois, un président de la République reconnaissait aujourd'hui la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs sous Vichy. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Se souvenir d'hier, mais également réagir aujourd'hui, je cite, à toute forme d'idéologie raciste et antisémite. Message à peine voilé à l'usage de l'extrême droite, mise en garde en direction du parti de Jean-Marie Le Pen. Cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec la plus grande force. En la matière, rien n'est insignifiant, rien n'est banal, rien n'est dissociable. Les crimes racistes la défense de thèses révisionnistes, les provocations en tout genre, de petites phrases en soi-disant bons mots, puissent en réalité aux mêmes sources. Et s'il y eut, je cite, une France qui n'est jamais allée à Vichy, a résisté et s'est battue, en reconnaissant aujourd'hui la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, Jacques Chirac tournait la page de plus de 50 années d'ambiguïté. À l'instant, un extrait d'un reportage du journal télévisé de 13h de France 2, c'était le dimanche 16 juillet 1995, le jour où Jacques Chirac tint, à l'occasion de la cérémonie de commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv, ce discours historique dans lequel il reconnaissait la responsabilité de la France dans l'arrestation et la déportation des Juifs en France. Il prononçait notamment cette phrase « La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France ce jour-là accomplissait l'irréparable ». Vous avez souhaité, Serge Klarsfeld, que l'on écoute un extrait de ce discours, qu'on l'évoque au cours de cette nuit. Pour vous, ce discours, c'était aussi une victoire, l'accomplissement d'un combat ? Oui, c'était un accomplissement. Jacques Chirac, je l'avais rencontré souvent, on en avait discuté. Il était très intéressé par l'histoire des Juifs de France. Et c'était aussi un enfant pendant la guerre. Il était un peu plus âgé que moi. Mais pour lui, Pétain, c'était la France. De Gaulle, c'était la France. C'était une guerre civile entre deux France. Alors que pour le général de Gaulle, pour François Mitterrand, c'était une parenthèse. Et constitutionnellement aussi, c'est la thèse de l'après-guerre qui se désagrège peu à peu. Mais en réalité, c'était deux France dressées l'une contre l'autre et qui ont combattu l'une contre l'autre, en Syrie notamment. Donc, il n'avait pas la même vision que François Mitterrand et que le général de Gaulle. Pour lui, pour moi aussi, quand on allait à l'école, bah, Pétain, c'était le plus glorieux des Français, c'était un maréchal de France. En juin 1942, vous avez eu la victoire de Bir Hakeim. Les forces françaises libres ont résisté à Rommel. C'était la France. Et puis, trois semaines après, c'était la rafle du Vel'd'Hiv. Pétain, Laval, c'était aussi la France. Et voilà, ces deux thèses se combattent. Peu à peu, la réalité prend le pas, c'est-à-dire que c'était effectivement une guerre civile et pas comme si des gangsters s'étaient emparés du pouvoir. Il était assez normal, dans une circonstance tout à fait tragique et exceptionnelle comme la défaite de 1940, si on remonte à l'Empire romain, qu'est-ce qu'on faisait ? On nommait un dictateur pour rétablir la situation et pour sauver le pays. Donc, l'Assemblée nationale de l'époque, qui n'était pas complète, etc., mais le Parlement a accordé à Pétain les pleins pouvoirs pour rédiger une constitution. Il ne l'a pas fait ratifier. Mais, comment dire, le processus était assez normal. C'est simplement le fait que Pétain et Laval ont entraîné la France dans la voie de la collaboration et que la France a perdu son âme en livrant des milliers d'enfants, des familles entières, en les livrant aux Allemands dans les pires conditions, alors que les Allemands avaient proféré les pires menaces contre les Juifs. Donc la vision de Chirac et la nôtre coïncidait. Il faut pas oublier que moi j'ai vu la Gestapo à Nice, mais lorsque votre père a été arrêté, presque tous les enfants juifs qui ont survécu ont vu des gardiens de la paix, des policiers français en uniforme, venir décimer, même pas décimer, mais détruire leur vie, parce que c'était un choc tellement terrible qu'il s'est prolongé jusque aujourd'hui. Vous dites, Et Chirac a en quelque sorte guéri, apaisé cette douleur. Dans vos mémoires, vous rappelez les longues polémiques qui vous ont opposé à François Mitterrand, dans un chapitre qui commence pas ironiquement, mais c'est assez amusant quand on lit cette phrase, vous écrivez « J'aimais bien François Mitterrand », mais vous racontez ensuite longuement pourquoi, comment vous vous êtes parfois violemment opposé à lui lors de la cérémonie de commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv en 1992. Mitterrand, qui fut alors le premier président de la République française à se rendre à cette cérémonie, qui déposa une gerbe en souvenir des victimes, fut chahuté, sifflé ce jour-là. On se souvient de la colère de Robert Badinter en réaction à ce chahut. Vous aviez fait partie de ceux qui avaient créé des mouvements de foule ce jour-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il vous était alors apparu nécessaire de protester ? Tout simplement parce que François Mitterrand était indulgent à l'égard de Pétain. Il avait assisté au procès, il en avait rendu compte dans un petit journal. Il était indulgent vis-à-vis de Pétain. Et puis, il était fidèle en amitié. Bousquet, chef de la police de Vichy, qui avait pratiquement été acquitté en 49, il avait été le dernier à avoir été jugé par la Haute Cour de justice, eh bien, Bousquet était son ami, et en 1990, Mitterrand a délibérément voulu mettre l'affaire Bousquet, nous avions porté plainte contre Bousquet, mettre cette affaire sur une voie de garage, le faire juger par une haute cour de justice qui n'existait plus. Et nous voulions la cour d'assises, comme pour Klaus Barbie. Un crime contre l'humanité, c'est un crime de droit commun commis dans une période exceptionnelle. Je l'ai combattu, c'est vrai, par des articles, par des prises de parole. Et il m'en a voulu, alors qu'il nous avait aidés puissamment dans l'affaire Barbie, il nous en a voulu et il a défendu sa position. Puis finalement, il a avoué, avant de quitter l'Élysée, il a avoué devant El Kabach qu'il ne voulait pas de ses procès, qu'il avait essayé de les bloquer, aussi bien le procès Papon que le procès Bousquet. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de l'intervention de Robert Badinter? Est-ce que parce que c'était une colère très forte et assez émouvante. Il avait beaucoup reçu de François Mitterrand et qu'il le défendait comme un avocat, mais que c'était mal à propos. Et je crois qu'aujourd'hui il le regrette et qu'il refuse de s'exprimer sur cette colère parce que ensuite quand François Mitterrand a avoué que délibérément il s'était opposé, pour Badinter, ça a été quand même une révélation. Et puis moi, j'avais usé du fait que Badinter avait agi pendant l'affaire Barbie et j'avais attaqué son homologue, Monsieur Kiechmann, qui avait été nommé ministre délégué à la justice pour enterrer l'affaire Papon en 90, je l'avais attaqué en disant un fils de déporté avait été nommé ministre de la justice pour régler l'affaire Barbie et un fils de déporté a été nommé ministre délégué à la justice pour enterrer l'affaire Bousquet. Donc à ce moment-là, ça a été un levier et Monsieur Kiechmann a confirmer notre thèse, puisqu'il a dit il y a d'autres moyens qu'un procès pour régler ces affaires, ce qui montrait bien que c'était la voix de son maître. La dernière émission que l'on écoutera dans la deuxième partie de cette nuit, Serge Klarsfeld, est consacrée à la cantatrice norvégienne Kirsten Flagstad. En 1995, pour l'émission Jeu de Louis, Marc Dumont faisait le portrait de cette wagnérienne du froid et donnait surtout à l'entendre. Serge Klarsfeld, vous avez un souvenir avec cette cantatrice de l'avoir vue en vrai dans un opéra de Wagner. C'était à la fin des années 40, En 47. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, en deux mots, c'était quel opéra ? L'opéra, c'était Tristan et Iseult, et Kirsten Flagstad était une femme assez forte, et le ténor n'était pas particulièrement costaud, et quand il essayait de l'enlacer ou de la soulever, c'était très difficile pour lui, et je n'aimais pas particulièrement la musique de Wagner, je préfère une musique plus proche de mon, de moi, c'est-à-dire voilà les grands opéras de Mozart ou de Verdi, mais en tout cas c'était mon premier contact, mon premier opéra tout en haut à l'opéra de Paris. Merci beaucoup Serge Klarsfeld, on se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette nuit. D'ici là, place donc aux émissions que on va pouvoir entendre. Dans un instant, Fabrice Del Dongo, le personnage de Stendhal à l'honneur d'une émission de 1967, puis un journal spécial en hommage à Marcel Cerdan en 1959. On écoutera votre femme Beate Klarsfeld dans deux entretiens qu'elle avait donnés pour À Voix Nue, c'était en 2002. Un entretien avec votre ancien professeur Julien Gracq au micro de Jean Dev en 1977. Et enfin donc, la voix de la cantatrice Kirsten Flagstadt.